Job chapitre 5. Crie maintenant, y aura-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers qui d'entre les saints te tourneras-tu? Certainement la colère tue le fou, et le dépit fait mourir le sot. J'ai vu le fou qui s'enracinait, mais j'ai aussitôt maudit sa demeure. Ses enfants, bien loin de trouver de la sûreté, sont écrasés aux portes, et personne ne les délivre. Sa moisson est dévorée par la famille, qui même la ravit d'entre les épines, et le voleur engloutit leur bien. Or le tourment ne sort pas de la poussière, et le travail ne germe pas de la terre. Quoique l'homme naisse pour être agité, comme les étincelles pour voler en haut, même moi, j'aurai recours au Dieu fort, et j'adresserai mes paroles à Dieu. Qui fait des choses si grandes qu'on ne les peut sonder, et tant de choses merveilleuses qu'il est impossible de les compter. Qui répand la pluie sur la face de la terre, et qui envoie les eaux sur les campagnes. Qui élève ceux qui sont bas, et qui fait que ceux qui sont en deuil, sont en sûreté dans une autre traite. Il dissipe les pensées des hommes rusés, de sorte qu'ils ne viennent point à bout de leurs entreprises. Il surprend les sages en leurs ruses, et le conseil des méchants est renversé. De jour il rencontre les ténèbres, et il marche à tâtons en plein midi, comme dans la nuit. Mais il délivre le pauvre de leur épée, de leur bouche, et de la main de l'homme puissant. Ainsi il arrive au pauvre ce qu'il a espéré, mais l'iniquité a la bouche fermée. Voilà, oh, que bienheureux est celui que Dieu châtie. Ne rejette donc point le châtiment du Tout-Puissant. Car c'est lui qui fait la plaie, et qui la bande, il blesse, et ses mains guérissent. Il te délivrera dans 6 afflictions, et à la 7e le mal ne te touchera point. En temps de famine il te garantira de la mort, et en temps de guerre il te préservera de l'épée. Tu seras à couvert du fléau de la langue, et tu n'auras point peur du pillage, quand il arrivera. Tu riras durant le pillage et durant la famine, et tu n'auras point peur des bêtes sauvages. Même tu feras accord avec les pierres des champs, tu seras en paix avec les bêtes sauvages. Tu connaîtras que la prospérité sera dans ta tente, tu pourvoiras à ta demeure, et tu n'y seras point trompé. Et tu verras croître ta postérité et tes descendants, comme l'herbe de la terre. Tu entreras au sépulcre en vieillesse, comme un monceau de gerbes s'entassant sa saison. Voilà, nous avons examiné cela, et il est ainsi, écoute-la, et le sache pour ton bien.